Le temps passe et notre mémoire s'efface. On oublie que l'étendue de la bêtise humaine est vaste. Ça me dépasse, même les paysages se dévastent. On s'oublie pour le progrès malgré ses effets néfastes. C'est désastre dans la pollution, nos poumons s'engrassent. Qu'est-ce qui se passe? Ne ressentez-vous pas tous cette menace? Notre espèce est en train de détruire son espace. Ça veut copier les States, une bien triste dédicace. On oublie trop de fois le rire, la joie et la bonne humeur. Oublie que le tabac nous tue, sauf quand on est atteint d'une tumeur. Lueur d'espoir, obscurcie par tout ce qu'on oublie. Les bonnes choses se mystifient, mais les mauvaises demeurent en sursis, en durcis. On oublie trop souvent de rester humble. C'est simple, on s'entretue, on sort tous de la jungle comme Mowgli. Et je maudis ce monde que ces connards applaudissent. Un beau discours peut tout effacer, faut qu'en enfer ils rôtissent. On oublie ces soldats morts pour une cause au combat. Maintenant ça se tape pour que dalle dans des cages pour du close combat. Et je combat, dis pas la douleur des bourgeois. Qu'on bourgeois nous en prendre toujours plus. J'aimerais que le ciel les foudroie, car tout droit sortez de cette nouvelle ère qui fait peur. On oublie ce qui nous lie pour ne retenir que ce qui nous sépare. La ferveur, la grandeur, erreur ne se lisent plus dans les mœurs. Un tout nouveau monde s'amorce, le diable distribue ses fers. Je viens faire part par rancœur quand d'autres redemandent encore. Jusqu'où ça va aller, vu qu'on croit que notre âge nous renforce. Ça renferme des vies, espère que la boîte de Pandore. Et pendant que le temps s'écoule, on oublie que leur système nous endort. Le temps passe et notre mémoire s'efface. On oublie que l'étendue de la bêtise humaine est vaste. Ça me dépasse, même les paysages se dévastent. On s'oublie pour le progrès malgré ses effets néfastes. C'est désastre dans la pollution, nos poumons s'engrassent. Qu'est-ce qui se passe? Ne ressentez-vous pas tous cette menace? Notre espèce est en train de détruire son espace. Ça veut copier les States. Bien triste dédicace. Une nouvelle journée se lève ici. Tu ne sais pas que ça t'a en crève. Lui ici, il fait tout pour rester fort, l'ami. Mais quand il dort, il fait froid la nuit. Ce soir, il n'a pas trouvé de refuge. Jusque ta foi, lui, on lui refuse. Et pourtant, jamais il ne se plaint. Tu devrais prendre exemple sur lui, prochain. Oublies-tu souvent la chance que t'as? La misère d'une vie qui part en éclat. Sans sortir seul dans ce monde, on ne peut. Remercie encore tes parents d'être là. Ne te fie pas aux apparences, dis-toi. Tes faits jugés nous emprisonnent, crois-moi. J'espère que ce son toi résonne. Puisse-t-il te raisonner? Pour pas changer le monde des hommes. Le temps passe et notre mémoire s'efface. On oublie que l'étendue de la bêtise humaine est vaste. Ça m'efface, même les paysages se dévastent. On s'oublie pour le progrès malgré ses effets néfastes. C'est désastre dans la pollution, nos poumons s'encrassent. Qu'est-ce qui se passe? Ne ressentez-vous pas tous cette menace? Notre espèce est en train de détruire son espace. Ça veut copier les States, une bien triste délicate. Depuis toujours on a tendance à oublier ce qui peut nous sauver. C'est peut-être pour ça que beaucoup pensent que tous les êtres humains sont mauvais. Quand on voit les nombreuses guerres qu'ils ont créé depuis qu'ils sont nés, les trahisons entre frères effectuées pour de la monnaie. On oublie que nos erreurs aboutissent à l'horreur quotidienne. Du respect, force et honneur demeurent encore des valeurs humaines. Mais à force de brûler nos erreurs peines défavorisées, on crée une ère de la haine, que l'air se charge de vaporiser. Résultat dans nos banlieues, les familles sont terrorisées. Et le mal extérieur, eux c'est déjà intériorisé. Dans leurs bulles, les essais nous méprisent dans leurs quartiers brisés. Et ont peur de toute cette jeunesse qui n'arrive plus à maîtriser la crise. C'est déjà sur le point de nous anéantir. Et la bêtise des élus faut que se répète les années. En pire, les prémices de la fin commencent à se faire sentir. Y'a plein de choses qui vont changer pour qu'enfin un jour on sente. Le temps passe et notre mémoire s'efface. On oublie que l'étendue de la bêtise humaine est vaste. Ça m'efface, même les paysages se dévastent. On s'oublie pour le progrès malgré ses effets néfastes. C'est désastre dans la pollution, nos poumons s'encrassent. Qu'est-ce qui se passe? Ne ressentez-vous pas tous cette menace? Notre espèce est en train de détruire son espace. Ça veut copier les States, une bien triste dédicace. Le temps passe et notre mémoire s'efface. On oublie que l'étendue de la bêtise humaine est vaste. Ça m'efface, même les paysages se dévastent. On s'oublie pour le progrès malgré ses effets néfastes. C'est désastre dans la pollution, nos poumons s'engrassent. Qu'est-ce qui se passe? Ne ressentez-vous pas tous cette menace? Notre espèce est en train de détruire son espace. Ça veut copier les States, une bien triste dédicace.